T'es pas caro, minou, minou, même quand t'es tout minou, minou, t'es rien qu'un chat, minou, minou, avec mes caresses, minou, minou, beaucoup de tendresse, minou, minou, t'es rien qu'un chat, minou, minou, des poils partout, minou, minou, minou, minou, miaou, miaou. Minou, minou, miaou, minou, minou, miaou, miaou, minou, minou, miaou. Je change ton bac, minou, minou, les puces t'attaquent, minou, minou. Dommage pour toi, minou, minou, t'as plus de canigou, minou, minou. Quand t'es affamé, minou, minou, t'as qu'à aboyer, minou, minou. Mais avant tout, tout, minou, minou, j't'aime comme un fou, minou, minou, minou, minou, miaou, miaou, minou, minou, minou.